Apocalypse chapitre 19. Or, après ces choses, j'entendis une voix d'une grande multitude au ciel, disant, Alléluia. Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance appartiennent au Seigneur, notre Dieu. Car ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a fait justice de la grande prostituée, qui a corrompu la terre par son impudicité, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs versé de la main de la prostituée. Et ils dirent encore, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux se jetèrent sur leur face, et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône, en disant, Amen. Alléluia. Et il sortit du trône une voix qui disait, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, tant les petits que les grands. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a pris possession de son royaume. Réjouissons-nous, tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son époux s'est paré, et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, pur et éclatant. Or ce fin lin désigne la justice des saints. Alors il me dit, écris, bienheureux sont ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ces paroles de Dieu sont véritables. Alors je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, était appelé fidèle et véritable, qui juge et combat justement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il portait un nom écrit que nul n'a connu que lui seul. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont au ciel, le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante, pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, le roi des rois, et le seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange se tenant dans le soleil, qui cria à haute voix, et dit à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, et assemblez-vous au banquet du grand Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui sont montés dessus, et la chair de tous, de personnes libres et des esclaves, des petits et grands. Alors je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval, et contre son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête, et qui avaient adoré son image, et ils furent tous deux jetés tout vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.